toi, si douce. Je te sens dans l'impatience. Toi, tu pousses à tenter l'expérience. Vivre ensemble, pour moi y a pas d'urgence. Ça vient du cœur, faut pas que tu pleures ou j'en meurs. Give me a break. Ça vient du cœur, faut pas que t'aies peur ou j'en meurs. Ça vient du cœur, faut pas.